stay. Said that you need me. Stop, cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, I tell me there'll be a day I'll be more creative. A poetic way to say I'm not leaving to the world, not to your face. I'll take my pride standing in for you. No, I'm not blind, just see. Just took a page out. ciel, des étoiles plein la tête. Ça se poche pop music and lifestyle show. Je m'appelle Riffy Lue et tu me trouves sûrement en radio à Ansel. On ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. J'ai joué Wedge Dean avec Dance de Bras. Maintenant, je vais jouer Scotty McCreery with the song Bottle Rockets featuring Hootie and the Blowfish. Enjoy. Everybody's got a summer that they can't forget. They hold on to and go back to. Your mind's on the Carolina coast, still burning in my mind like a red sunset. Chasing embers till September, what I remember most. Up in mine, can still hear her laughing, see her dancing. You're making more than that sundress bed. Who says you can't go back in time? Since I seen you last, I know I didn't have to walk away. All I had to do was ask for space. I'm telling you, be on your way. When I told you to fall back, so can you come pick up your clothes? I that you got it. I don't need roses, just need some flowers for my garden. Can't you go back to how you loved on me when you started? I'll be here begging for ya. You should be giving me the whole damn day till the day is done. Approche Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Refileur en ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. J'ai joué Kehlani avec Folded. Oh, excuse me. I'm supposed to say award-winning. Grammy award-winning Kehlani with the song Folded. Now I'm going to share a story about the princess of Monaco, Caroline. Caroline de Monaco est au Mexico and dans la capitale du pays, la princesse de Hanovre s'imprégait de l'art contemporain. Elle est arrivée il y a quelques jours en attente que présidente de la fondation Prince Pierre de Monaco pour présenter des sculptures monumentales en bronze de l'artiste franco-libanaise Simone Fatal, Adam et Eve, en porte 2024 et Adam et Eve 2021. La foundation présidée par Caroline de Monaco et le musée Jumet, référence de l'art contemporain mexicain, ont collaboré à l'installation des œuvres de sept artistes pluridisciplinaires dont Les Creations qui invite à une réflexion sur la mémoire, le corps et la mort sont visibles sur les splendeurs du musée jusqu'en mars 2026. la Fondation Monkesque a dessiné le 49e Prix International d'Art Contemporain à Simone Fatel et a décidé d'apporter un enchantement de son art au Mexique afin de renforcer les liens culturels entre le pays et la principauté. Celle peut également être due à l'île particulièrement qui unit Caroline de Monaco au Mexique et pourquoi pas à ce qu'elle a une commune avec les artistes qui, comme Caroline et sa fille Charlotte Casiraghi, a étudié la philosophie à Paris, la famille Grimaldi et Lee au Mexique par la arrière-grand-mère de Caroline. Albert et Stephanie de Monaco, Susanna de la Torre-Mière, membre d'une des familles les plus riches du pays, qui est posée à Paris en 1824, le comte Maxien Merchois de Polignac, avec qui elle aura 8 enfants. L'un d'eux, Pierre de Polignac, deviendra prince de Monaco par son mariage avec la princesse Charlotte de Monaco, fille de Louis le XII et de la chanteuse de cabaret Marie-Juliette Lovett. Il donnera naissance à Rainier le IIIe et inspirera les maris de Grace Kelly pour la création de la Foundation qui a permis à Caroline de venir au Mexique. Elle, la grand-mère, rappelle de Caroline dont sa fille a hérité le nom. Ah oui, c'est ça. Maintenant, je vais jouer Lara Fabienne avec « J'ai été recherchée ». Je me souviens de tout, comme si c'était hier, de tes yeux, de ta bouche et de la vue sur la mer. Je me souviens de nous et comme on était beau, ton prénom dans mes prières et ton souffle sur ma peau. Je t'ai cherché. Toutes ces années passées sans toi. getting fucked tonight. Who getting fucked tonight? You getting fucked tonight. She getting fucked tonight. She getting fucked tonight. She getting fucked tonight. She getting fucked tonight. She getting fucked tonight. Start calling her phone. She getting fucked tonight. Blowing down that line. You the buster type. Knowing that you lying, we don't go for the hype. Catch up from behind, niggas know I'm a sniper. Second when I drive, baby, know what I like. Spread that pussy wide, let me go for a dive. Who getting fucked tonight? You getting fucked tonight. Make it better than night. I pay whatever the price. I knock her down, I'm a strike. I wanna feel it inside. Giving me is enticing. Her pussy is my vice. I see you, we gon' fight. You getting fucked tonight. Who getting fucked tonight? If it ain't gonna be a threesome, we'll pretend ain't gonna lie, I'm tryna freak some. And I see you're a sweet one, you're a freak, it's a demon. And I'm just one more body, I don't really mean none. I take control, call me remote. If I push one button, it's off with your clothes. If I don't do nothing, I do the most. I wanna know, who getting fucked tonight? Les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose. Descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose en jolie statue de cristal. Je préfère quand tu nous opposes. Sois mon rival. L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en moi réunies? Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour au sexe, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Je ferais semblant de te croire, quand parfois je sais que tu mens. Je ne ferai même pas d'histoire si tes ex reviennent en courant. Je suis aussi ton oxygène quand tu as le souffle coupé. Une histoire pour s'éloigner des contes de fées. L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en moi réunies? Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour au sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Thank you. Guimel sur Arc-en-Ciel Orléans. Somme la vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ça s'approche pop music and lifestyle. Je m'appelle Refilé. On est ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. J'ai joué Julien Doré avec toutes les femmes de ta vie. Maintenant, je vais jouer Dochi featuring SZA avec la chanson Girl Get Up. Sipping my kombucha on a rooftop, smoking blue dream on my Kama Sutra. Life is but a dream for a dark-skinned bitch like me. Life gets dark when you're dark like me. Times get hard with a heart this big. Mouths get fed when your ass this thick. Count my sheep, then I catch my Z's. I don't read y'all tweets, I delete y'all threads. Don't need weed to be 10 feet tall. I don't need keys when I knock down walls. Been pushing peace since bathroom stalls. Why sell my soul when I know I'm God? I be in the bag every day, ain't doing meditation. Need me, girl, get up. Picking on all confrontation, fucking limitation. Need me, girl, get up. So shit whack. I see it on the blogs, I see you in the chats. You suck every rap nigga dick from the back. But what's the agenda when the it girl black? Y'all can't fathom that I worked this hard, and y'all can't fathom that I earned this chart. Y'all can't stand my vibe cause I'm anointed. All y'all evil assholes just annoying. Blame it on the fame, blame it on the coke, blame it on the douce, got you feeling low. Y'all wanna believe I'm on drugs and forsaken. They won't credit me, so they blame it on Satan. Blame it on my label, blame it on my team. End of the day, everything is on me. Miss Back Lady, little messiah, little miss hire them hoes, then fire them. I be in the bag levitating, doing meditation. Need me, girl, get up. Looking on no confrontation, fuck a limitation. Need me, girl, get up. The pussy rap, I still be popping pussy to my sister, so I can't agree with that. These niggas misogynistic, I'll address it on the album. For now, let's sink into the fact that hate don't make you powerful. Y'all monitoring spirits, go monitor that checkbook. Fashion week was radical, diamonds what my neck took. Tried to turn the other cheek, but y'all just too damn extra. I had to take it to the stew and show these niggas pressure. Father forgive them, they gon' be hurt when I deliver. The album 6 months old and need a fucking babysitter. I did 8 years of failing, plus a lot of cold winners. Used to be a starving artist, now I want the whole dinner, bitch. I want my things. Nissan to a Bentley coupe. Fuck you mean. Got a cosign from K-Dot. She's baby king. God keep me from the bitterness. Help me reach the masses. All the black women gon' fit this shit. I be in the bag levitating, doing meditation. Need me, girl, get up. Looking on no confrontation, fuck a limitation. Need me, girl, get up. Someone know. Showtime. Let's go. Most popular pop stars in the world singing his hit song, Love Somebody, Mr. Morgan Wallen. En harmonie, la FM en couleur. That was Morgan Wallen with the song Smile. This is Posh Pop Music and Lifestyle Show. My name is Refilwe. We're together until 4 p.m. today. Now I'm going to play Kenji Girac avec J'ai changé. T'as tout ramassé, mon cœur en miettes, tout balayé, les paillettes, la vie est pas bien. Moi poète, je t'écris la vie d'après, sois prête. J'ai changé pour toi, j'ai changé tellement, j'ai fait mon choix pour mille ans. J'ai changé pour toi, infiniment. Attends, regarde-moi.

Les épreuves, je les surmonte. Je remonte la rivière à contre-courant comme le saumon. Je suis gentil, les gammes à l'heure qu'il est, je peux manger des 100 pompes. On s'est dépêché à vie, y'a pas de bidon. C'est mes bons collègues et au final, nous nous évitons. Pourtant, je suis en bas, dites quand tient le guidon. On se montre pas, nous on dit pas où nous vivons. C'était des bons au début, ils me voient comme leur ennemi. Gros, fais gaffe à toi si tu racontes des conneries. À deux temps, je fais pas du rap fini dans la maçonnerie. C'est pas tard, ils voient le bolide, ils me rayent la carrosserie. La force blanche qui s'indique. On est pas ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Un bon blanche qui s'indique. On y va ma petite chérie. j'ai le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac. C'était un sac à 44K. Dans le refus, j'ai beaucoup d'espoir. L'histoire d'un pédard devenu roi. J'ai le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Mais tu fais péter la main dans le sac. Mais c'était un sac à 44K. Dans le refus, plus beaucoup d'espoir. Sors d'un pédard devenu roi. I'll say I'm good, but I might be empty now. It takes one cry, and that undoes the dark. Tate McRae with Revolving Door. This is Posh Pop Music and Lifestyle Show. I am Refilwe. We're together until 4 p.m. today. Maintenant, je vais jouer Indochine avec La Mort Faux. ¿Quieres un poco de café? Sí, por favor. We'll be right back. But y'all never get along. I hope you know that you ain't right, and you so good at burning bridges. I hope you finally find some love, and every day he hurt your feelings. I hope you turn your heater on and it blow cold. I hope you leave your car running at the store and it gets stolen. I hope you have a nightmare every single day of your life. I hope you have a bad morning and one hell of a night. I hope it's hell at night, straight to the morning. I hope you close your eyes. Just can't ignore it, 'cause it's too damn loud, tossing and turning. I hope it's hell at night, my memory's burning, hey. Burning. I hope you see me every time you close your eyes, and every time you think about me, you hear thunder in the sky. I'm out the way, and by the way, I hope you lived in what you learned. Hope you go deep into the woods and you make the wrong turn. Hope it burns you up like a cigarette, like a last call shot straight to the head. Hope you stare at the wall or an old home screen, kind of hoping I call, 'cause you can't call me. I hope it's hell at night, straight to the morning. I hope you close your eyes. Just can't ignore it, 'cause it's too damn loud, tossing and turning. I hope it's hell at night, and my memory's burning, burning. Loin de moi, l'idée de te changer. Loin de toi, je me suis pas retrouvée. Et si au bout du compte, c'était pas si bien, soudain je me rends compte qu'on était si loin. Ça fait mal, ça fait comme un coup de sable. Tu le vois couler le sang. Je t'envoie des SOS et puis j'attends. Ça fait nous tenons sur le sable qui s'efface avec le temps. Je t'envoie des SOS et puis j'attends. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Plus d'efforts, y'a plus rien à sauver.

That was Raven Lenay with Love Me Not. This is Porsche Pop Music and a Lifestyle Show. Je m'appelle Refileux. On est ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans le week-end? Les Jeux Olympiques, les hivers sont ouverts et sont commencés. Non, maintenant, départ prématuré pour l'une des trois paires très colères engagées sur les combines Alpine par équipe. Neil Alger a décroché une solide sixième place à la issue de la descente, la première des deux manches de cette épreuve inédite. Ce qui laisse augurer le meilleur pour son coéquipier Clément Noël qui officiera un slalom à partir de 14h30 pour qui sait du crochet la première média tricolore en ski alpine. Les deux autres concurrentes françaises Maxence Mixeton et Nils Alpand sont eux relégués dans les profondeurs du classement. Mais il n'y a pas que ça au programme aujourd'hui. Les danseuses sur glace Julien Cizeron et Laurence Fournier-Bouédré en laisse après une appréciation convaincante lors de l'épreuve par équipe. Les duos tricolores se lancent dans sa quête pour l'or olympique. La première partie, les danses rythmiques, commençait à 19h20. Déjà deux médias au compteur de la France, l'équipe de France de biathlon a fait retentir la première Marseillaise dimanche après que Eric Perrault, Quentin Feyo-Meyer, Lou Jeune Monod et Julia Simon ont tenu leur rang de favori en attendant sacré champion olympique du relais mixte. Juste avant, les USR Métis des Loges avaient créé une superbe surprise en décrochant la médaille d'argent en ski thalon. Derrière les grandes favoris, le Norvégien Jonas Kleibom. Programme résultant diffusion toute la télévision en avalanche de Lyon utile. Vous ne savez pas à quelle heure débute le match France-Allemagne en hockey sur glace féminin. Vous vous demandez à quoi ressemblait le ski acrobatique slopestyle. Le programme complet de 16 joueuses olympiques au jour le jour se trouve toujours à votre télévision et tu peux aussi regarder sur le, tu peux écouter aussi sur ta radio. Et maintenant, je vais jouer Jacques et Clara May et vous l'avez. Ça, c'est Push Pop Music and Lifestyle Show et je m'appelle Refilé. Toujours ce désert dans mon cœur. Je bois du noir là, je suis pas d'humeur. Dis-moi, il est où le bonheur? 10 ans plus tard et autant d'erreurs. Toujours ce parfum, cette odeur. Je veux nous revoir ici ou ailleurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Rêver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombrisse et nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Rien que toi et moi, je veux m'envoler. M'envoler, m'envoler. Dernier regard, dernière fleur. L'eau a coulé, les larmes. Histoire à nos meilleurs, s'abandonner, faire fuir nos peurs, que nos mémoires effacent ces heures, passer à torturer nos cœurs, une dernière danse pour deux âmes sœurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel, chanter les matins sans soir pour t'aimer, rêver les vents, les marées, les tempêtes, s'il le fallait, je veux m'envoler. chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il fallait, je veux m'envoler. Straight to the block. I sold the homies Mac 10s and some brand new Glock. I had to get some hood pussy. I was new to the block, but I was sagging in the hood blood. I was glued to the block. Hey, I'm from East Side, bitch. I'm from the Deuce to the Eight. I'm on this side of the fence. It ain't no crossing the gate. The nigga thought he got away, but I'm just baking his cake. And whoop a blow his counters, apple faces on the milkshake. They got some side of bed for the low. Now I'm bragging. I didn't have my glizzy last time I went, but shit, I'm jacking. I beat your ass up, pull out my shirt, nigga. What's happening? I put stickers on my chopper. I kill a nigga in fashion. What's happening, little nigga? I hop out there, they ducking like that, little nigga. Like fuck the police, how you ducking? In traffic, little nigga. I'm 6'3, I ain't ducking no action, little nigga. And ain't no question on my G, I'm active with bracket. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Be my turk, bitch, I go where you don't. I'll pull up in your hood, who gon' tell me I won't? And they got money on his head, you can get if you want. And you a goddamn fool if you see him and don't. It's AP on my wrist and it don't tick. The bitch got a nice ass and some nice tits. I only hit the bitch once cause she ain't shit. She only hit a nigga line for some good dick. She starting to give me set up vibes and I know I ain't tripping. And plus I met the bitch in Compton, start to think that she crippin'. I let her think that she's sweet, watch the K get the ripping. Sit on my pistol with the bitch until her face get the drippin'. And I ain't with that love shit cause I'm a thug, baby. I let my trigger finger get a trigger's hug, baby. I need some rain boots, shit, I'm out the mud, baby. East Side Nine Dudes, bitch of blood, baby. We bragging. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Got me bragging out of LA, LA. Yeah, and he ready right now. I'm gonna sing this song so I can do it. All right. Faut que tu m'aimes. Car moi toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. Faut que tu la trouves jolie, ma voix et mes poèmes. Quand même, faut que tu m'aimes. Venue, que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. J'sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi. Faut que tu m'aimes, sinon j'ai le cœur qui est pas tranquille. Faut que tu m'aimes, que je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime, que j'hiberne. Faut que tu m'aimes, quand je crois plus à ce que je fais. Faut que tu m'aimes. Quand j'ai l'impression de tout rater, faut que tu m'aides. Quand je me sens comme une merde, j'ai peur de plus être la même. Que tu me jettes pour la prochaine venue. Que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. J'ai plus où aller, comment je m'appelle? Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Pourquoi je remarque les pouces en bas, les mauvais démons? Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon? Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super? Pourquoi j'attends toujours l'autorisation? Pourquoi y a pas de confiance dans ma maison? Pourquoi je cherche toujours à plaire? Dis-moi que toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. J'ai plus où aller, comment je m'appelle? Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ça, c'est Posh Pop Music and Lifestyle Show. J'ai joué Stelito avec Faut que tu m'aimes. Maintenant, je vais jouer Taylor Swift avec The Life of a Showgirl. Her name was Kitty, made her money being pretty and witty. They gave her the keys to this city, then they said she didn't do it legitly. I bought a ticket, she's dancing in her garters and fishnets. 50 in the cast, zero missteps. Looking back, I guess it was kismet. I waited by the stage door, packed in with the autograph hounds, barking her name and glowing like the end of a cigarette. Wow, she came out. I said, you live in my dream. Then she said to me, hey, thank you for the lovely bouquet. You're sweeter than a peach, but you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never ever gonna wait. The more you play, the more that you pay. You're softer than a kitten, so you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never gonna wanna. She was a menace, the baby of the family Lennox. Her father whored around like old men did. Her mother took pills and played tennis. So she waited by the stage door, asked the club promoter, arrived. She said, I'd sell my soul to have a taste of a magnificent life. It's all mine. But that's not what showgirls get. Of wisdom, hung them from my neck. I paid my dues with every bruise. I knew what to expect. Do you wanna take a skate on the ice inside my veins? They ripped me off like false lashes and then threw me away. And all the headshots on the walls of the dance hall are of the bitches who wish I'd hurry up and die. But I'm immortal now, baby dolls. I couldn't if I tried. So I say, thank you for the lovely bouquet. I'm married to the hustle and now I know the life of a showgirl, babe. And I'll never know another. Hey, hidden by the lipstick and lace. Sequins are forever and soleil sur nos peaux, le goût salé des vagues, les feux du 14 juillet et nos glaces qui coulaient. Assis sur le perret et nos faces qui bronzaient, on se retrouvait au club de plage. Pas de plan sur la comète, juste des enfants de passage. Des rêves plein la tête, on séchait sous les parasols. On aimait regarder le ciel comme des gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable. T'as vu comme on a grandi, toujours deux poissons dans l'eau. On habite au paradis, de la teste au moulot. Je me souviens des pinasses, accostés sur le banc, le cap ferré en face. Les trampolines d'avant, chez nous ça rigole. C'est l'histoire de nos vies, de gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant de passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins. Danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables, comme des gamins des sables. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend, the one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe, I'm electric. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blessing. When you're singing it better than Beyonce, I like the sound of fiance. You know it's got a little ring to it. And really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you're a wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mom's 61 and her favorite line to tell her son is, sometimes you wish that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip. And dinner wasn't ruined cause you never got the pick. I know that everybody told me that I'm sick cause the way my mind 5'9 brown eyes. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. This is Posh Pop Music and Lifestyle Show. My name is Refilwe. That was Dave featuring Thames with the song Rain Dance. And just like that, we have reached the end of our show. We will hang out again next week, Monday. Don't you worry. I'm still around and I'll see you next week, Monday. I hope you had a great time. I hope you enjoyed the music. Enjoy the sports, the winter sports that are currently taking place. And on se voit lundi prochain, comme ça, on a fini notre émission pour aujourd'hui. Je m'appelle Refilwe. On se voit lundi prochain. Maintenant, je joue Marine avec Q Maladroit. Bonne journée. J'aimerais me poser dans des bois qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me dise que des bonnes surprises et qu'on existe tous les deux. J'ai le cœur maladroit. semaines, je suis pas sorti. J'ai peur de te croiser dans la rue. Je mets quelques selfies en story. Je les enlève dès que tu les as vus. Je fais comme si j'avais plein d'amis. Comme si je vivais dans le luxe. Alors que je pleure seul dans mon lit. Chaque fois que je te croise dans le bus, j'ai pas atteint le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur intact est prêt à se prendre d'autres pas. J'ai pas atteint le stade où je dirais à une femme tout ce que je ressens en face sans avoir peur qu'elle me casse. Tu peux garder mon hoodie. De toute façon, je l'ai jamais aimé. Je vais faire de grandes choses pour que tu puisses dire aux autres garçons que j'ai déjà aimé. Mais pour l'instant, j'écris de la musique qui restera sur mon ordi jusqu'au jour où je me lèverai de mon lit. Que je la porterai dans une maison de disque. Et là, ça deviendra sûrement un tube. Et tout ça, au fond, ce sera de ta faute. J'enchaînerai les concerts d'un jour à l'autre. Et pour la première fois, j'aurai atteint le stade où je te dirai que je suis stable et que mon cœur intact est prêt à se prendre d'autres pas. J'ai pas atteint le stade où je dirai à une femme tout ce que je ressens en face sans avoir peur qu'elle me casse. J'aurais pu te ramener sur scène, t'aurais signé des autographes, ouais. On aurait fait le tour de la terre pour échapper aux photographes. À tous les soirs, hôtel 5 étoiles, t'aurais tout fait, même du cinéma. Mais je te rassure, ça n'arrivera pas. Parce qu'enfin, pour la première fois, j'aurais atteint le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur intact est prêt à se prendre d'autres pas. J'ai pas atteint le stade où je dirais à une femme tout ce que je ressens en face sans avoir peur qu'elle me casse le cœur. Je vais peut-être y aller dans. Boa tarde, são 3 horas no continente e na Madeira, 2 da tarde nos Açores. Olhamos agora para as notícias que marcam esta.